Chapitre 45e. Échec à Terminal. Thérèse Turandeau affiche exactement la même arrogance que son père, à la différence toutefois que Dutilleul comprit d'entrée qu'il n'en tirerait pas grand-chose. Il n'y avait pas à s'y méprendre, c'était bien Terminal qu'il avait devant lui, et un Terminal qui avait pleinement conscience de sa valeur et qui, de plus, n'en avait rien à foutre. Seulement, Dutilleul n'avait pas grand-chose à perdre non plus, et tant pis s'il ne parvenait pas à lui tirer un mot. Ce n'était pas sa vie. De toute façon, dans quelques heures, l'affaire ne serait plus de son ressort. Ce ne serait plus qu'une bataille d'experts et d'avocats. Où se situerait la vérité? Bien difficile à dire. Toutefois, il pouvait toujours tenter sa chance, on ne savait jamais. Pourquoi as-tu planifié tout ça? Pour te donner le sentiment d'exister un peu par toi-même? Les magnifiques yeux de Thérèse Turandeau se fixèrent alors sur Dutilleul pour la première fois. Visiblement, l'angle d'attaque lui avait plu, comme quoi. Il est vrai que c'est un peu ça. Dutilleul passa sur toute la morgue que le propos pouvait contenir pour enchaîner. Il avait établi le contact, alors autant ne pas le perdre prématurément. Il poursuivit. Tu avais enfin l'impression de décider quelque chose, n'est-ce pas? Tu n'étais plus le jouet de ce grand-père qui ne t'aimait pas. Vous avez compris ça, vous? Je ne savais pas que l'on disposait de telles capacités d'analyse dans la police. Sincèrement, toutes mes félicitations. Puis elle se ravisa soudain, plus insolente que jamais. Suis-je bête? Vous avez lu mon journal? Du coup, ça n'a pas dû être trop dur puisque vous me l'avez volé. Oui, je l'ai lu. Avec même une certaine attention. Ce qui me fait directement revenir à ma première question. Thérèse Turandeau regarda à nouveau Dutilleul avec fixité. Visiblement, son entêtement lui posait problème. Elle n'avait pas l'habitude de rencontrer d'obstacles. C'est pourquoi, de mauvaise grâce, cette fois, elle répondit du bout des lèvres « Si vous voulez. » « C'est un peu court à mon goût, » reprit Dutilleul, intraitable. « C'est que... »« Oui. » « Oh, puis zut. » « Oui, je voulais le défier, lui montrer qu'un paquet peut avoir une vie propre. Penser, agir et même agir sur les autres au besoin. » « Pourquoi ?» Après tout, vous n'étiez pas si mal au Tournel. Quoi? Non, mais entre nous, vous avez vu la tôle. C'est sale, vétuste, et rien n'est aux normes. Les canalisations sont sans cesse en train de péter. Le chauffage date d'avant Mathusalem. Et on est censé être dans des conditions optimum. Il faudrait peut-être arrêter de se foutre de la gueule des gens. Les Tournelles peuvent peut-être passer pour agréables le temps d'une visite, mais nous, nous y sommes enfermés à l'année. On se gèle en hiver, on étouffe en été. Seul miracle, la bouffe est correcte. Encore. C'est uniquement parce qu'on a un bon cuistot et que les femmes de charge connaissent leur boulot sans quoi. Comment est Madrier? Un confini, qui a une très haute idée de sa personne. Il se croit irrésistible, mais il ne tient rien. C'est le conseil qui décide de tout. Il n'a pas son mot à dire. Quant à sa poufiasse de secrétaire, c'est encore pire. Pourtant, il y a tout de même quelques très bons professeurs. Oui. Mais cela relève seulement de l'anomalie. Je me demande bien comment Madrier arrive à les conserver. Il les paye peut-être très bien. Oui, c'est vrai que ça aide, mais pour ma part, je ne resterai pas pour 1 milliard, quand on voit la population. Vous l'avez dit à votre père? Non, cela aurait servi à quoi? Il est toujours entre 2 pays, à croire qu'il n'arrive pas à décider ou s'établir une bonne foi. Votre mère? Ma mère, la pauvre. Elle a démissionné depuis longtemps, c'est ce qui arrive, quand on n'admet pas d'être cocu. Vous n'avez pas l'air de l'apprécier beaucoup non plus. Là, Thérèse Turandeau se rebiffa carrément. Non mais attendez, vous croyez quoi? J'adore ma mère. Seulement je dis qu'elle aurait dû se tirer depuis longtemps. Je crois qu'elle a menacé de le faire dans le passé, et seul grand-père a réussi à calmer le jeu. Seulement, mon père est incapable de se tenir, alors elle a fini par se lasser. Elle est lâche, c'est ça son problème. Pas comme moi. À sa place, qu'aurais-tu fait? Demanda Dutilleul, curieux. Moi, je me serais barré, tiens. Ensuite, j'aurais exigé de récupérer ma dot, puis j'aurais vécu à ma guise. Vivre à ta guise. Justement, parlons-en, veux-tu? Que comptes-tu faire une fois en prison? Parce que tu vas y aller. Alors? Ce ne sera pas pire que les Tournelles. Un emprisonnement pour un autre. Qu'est-ce que cela va changer? Au moins cette fois, je l'aurais choisi. La seule chose que j'aimerais savoir, c'est qui m'a donné. Tu t'es trahi toute seule. Ce n'est pas vrai. Ou si. Tu sais, parfois il faut un peu plus qu'un jean et une perruque pour se dissimuler.